Voilà devant des gens qui ne connaissent pas leur chance. Notre grande dépression, c'est nos vies. Si tu devais mourir maintenant, elle te ferait quel effet, ta putain de vie? J'en sais rien, elle me ferait aucun effet, ma putain de vie. Je suis cet homme chargé d'explosifs à l'attitude toujours paisible. Pour toi c'est impossible, mais si, je m'en fous de ma famille, cousins, cousines, grand-père, grand-mère. Faut que je sorte de l'ordinaire pour une grande première, menant une vie citerne, célibataire, pas taf. La société m'a mis en berne, oh non, j'ai plus rien à perdre, je veux tout faire tes sauts. Je m'en fous des innocents, qui est tes parents ou tes enfants. Je sais que je suis inconscient, de toute façon on va tous finir en sang. Mais je fais que mon taf, en plus je laisse pas de traces. Commets des attentats atroces, après ma mort, je serai un boss. Pour en arriver là, tu demandes comment j'ai fait. J'ai perdu ma foi, laisse me perturber. Je suis devenu aliéné, alimenté par la colère. Que veux-tu faire face à des bombes humaines qui s'en moquent de finir dans des bombes funèbres? La vanité, c'est décidément mon péché préféré. C'est tellement fondamental. Le narcissisme, c'est notre propre opium. J'étais heureux, c'est vrai, jusqu'à ce jour noir où comme tous les jours j'étais vêtu de mon costard. Après je m'étais couché tard, on m'assurait de mon coup. Je me voyais déjà plein de sous, même si déjà j'en avais beaucoup. C'est fou, obsédé par les chiffres, j'en voulais plus, toujours plus, encore et encore plus. Tout a basculé au crack du CAC 40, ici y'a personne pour t'aider. En CAC 40, toutes mes actions perdèrent leur valeur. C'était de l'argent emprunté, c'est bien ça mon malheur. J'ai tout perdu, même ma femme m'a dit à ta l'heure, mais n'est jamais revenu. Ouais, la vie ne m'a pas fait de fleurs. On me disait tu prends trop de risques, j'étais sourd. À présent c'est l'heure de mettre fin à mes jours. C'est l'heure d'assumer les torts causés à mon entourage. C'est l'heure de quitter cette terre en faisant preuve de courage. J'ai peur que ma vie affronte le malheur. J'ai peur que mon avenir se remplisse de cœur. J'ai peur de ne pas remplir d'amour mon cœur. Et ouais, j'ai peur pour les gens qui me disent. J'ai peur que ma vie affronte le malheur. J'ai peur que mon avenir se remplisse de cœur. J'ai peur de ne pas remplir d'amour mon cœur. Et ouais, j'ai peur pour les gens qui me disent. Cette vie, tout le monde me met des F. On me repousse dès que je tousse, on me bannit parce que je suis SDF. Prêt à mourir pour me nourrir d'une voix de temps. Je vis le mal même si je suis bon, puis mon adresse passée en bas du pont. J'ai pas ce plaisir de pouvoir vivre le bien-être, de pouvoir voir mon enfant naître, même celui d'ouvrir une boîte aux lettres. J'suis pas un lâche, j'suis pas de ceux qui abandonnent. C'est bien de me dire bonne chance, mais j'aimerais bien qu'un jour on me la donne. C'est encore pire, j'suis pas bapt aux yeux bleus. Comme par hasard, depuis que j'ai plus de domicile, tous les jours il pleut. J'l'ai déjà dit, j'suis pas un espoir, mais c'est trop dur. La vie me traite comme une ordure, ce pit de diable. J'ai mordu, moi j'en peux plus, j'ai plus de force. Tout le monde me repousse. J'aimerais tellement, regardant l'histoire de ma vie, un jour lever le pouce. J'ai l'impression que du chétane, je suis la cible. La vie me ronge comme de l'acide. À cette heure-ci, je rêve déjà de suicide. La vie vient de manière très très forte envahir l'Europe. Maintenant, on peut dire que 60% du jouet, 65% du jouet vient d'Asie. J'ai un militaire, ouais, qui tape pour une marque number one. J'ai commencé à bosser des tas sur le dos, même avec des bosses, les bosses à mes pieds. Encore adolescent, le cœur blessé. J'ai pas de bracelet à mes pieds, esclave de la vie. Je me bats pour mon yébi, les mêmes combats, les mêmes tracas. Je coule le cuir parce que mes enfants restent à nourrir. J'aimerais fuir, mais seulement les heures sup sont mon avenir. L'usine c'est le move, avec les années, bah tu approuves. J'ai percé plus d'une semelle, en deux jours je fais ma semelle. Pour une simple gamelle, je dis ma vie, je dis que je ne crois plus en elle. Mon frère prend le crack et braque de l'opinel. Un vrai défi, j'ignore ma femme et je me demande encore si elle m'aime. Je me gagne dans un pack de 12 et N et Ken. À me dire que c'est plus la peine, que j'ai trop de haine, que j'ai trop de haine. J'ai peur que ma vie affronte le malheur. J'ai peur que mon avenir se remplisse de cœur. J'ai peur de ne pas remplir d'amour mon cœur. Et ouais, j'ai peur pour les gens qui me disent. J'ai peur que ma vie affronte le malheur. J'ai peur que mon avenir se remplisse de cœur. J'ai peur de ne pas remplir d'amour mon cœur. Et ouais, j'ai peur pour les gens qui me disent. Je m'appelle Madame Mathieu, je suis professeur de français dans un collège de banlieue. Transmettre aux enfants est ma seule passion. Mais pour ça, il faudrait leur attention. Sans mettre en élève, y'en a peut-être 5-6 qui me respectent. Et tous les autres, c'est fou, cette putain de maîtresse. Les élèves ont pris le monopole du wagon. Et tous les jours, je me dis, mais où va-t-on? Trop honte, je ne dis rien à ma famille et mes collègues. Je me confie comme un psychologue. Je fais mon taf dans la peur avec toujours le souci de ne pas finir en pleurs. Dire dans ma classe, la tolérance, les punitions sont à la mode. La politesse et le respect sont à la mort. Dire professeur, trop de pression. Je songe de plus en plus à déposer ma démission. Les humains, on se demande parfois comment vous avez fait pour tenir jusque là. Les gens ne sont pas reconnaissants d'être en vie. Mais pas vous. Plus maintenant. J'ai peur affronte le malheur. J'ai peur que mon avenir s'en remplisse de peur. J'ai peur de ne pas remplir d'amour mon cœur. Et ouais, j'ai peur pour les gens qui me meurent. Affronte le malheur, je peur que mon avenir s'en remplisse de peur. J'ai peur de ne pas remplir d'amour mon cœur. Et ouais, j'ai peur pour les gens qui veulent.